démon One, 9-4 mafia africaine, Atomique 6-8 Mulhouse, ouais gros, rédemption pour ceux qui ont souffert. 9-4 6-8, ouais. À force de traîner dans la street, j'ai perdu tous mes repères. C'est le ghetto qui m'a élevé, dans ma vie j'ai trop souffert. Pour m'en sortir, j'ai fait du mal, chaque jour que je fais, je le regrette. Le shitan m'a suggéré, je suis tombé dans son piège. Poto, si je t'ai blessé, je m'en excuse du fond du cœur. On est là pour apprendre de nos erreurs. J'ai mis de côté tout mon ego et mon orgueil. Que Dieu me préserve des jaloux du mauvais œil. Avec le temps tu t'assagis, trop plongé dans tes soucis. Faire ça, payer ceci, plus de temps pour les ennemis. Démon One et Atomique, sans ce son c'est rédemption. Quand j'étais jeune j'ai trop fait le con, aujourd'hui je paye l'addition. Pense à toi, à ta famille, faut faire le bien quoi qu'il arrive. Trop d'ingrats et d'hypocrites, on récolte ce qu'on mérite. La vie des flics quand je vois mon fils, je me dis le temps passe vite. Quoi tu vois dans la vie, surtout garde tes principes. Imparfait, on le sait, mais bonnes sont les intentions. On a trop vécu dans l'excès. C'est maintenant le temps de la réflexion. Et peu importe dans combien de temps viendront les bénédictions. Atomique, démon One sur les chemins de la rédemption. Imparfait, on le sait, mais bonnes sont les intentions. On l'a trop vécu dans les tests. C'est maintenant le temps de la réflexion. Et peu importe dans combien de temps viendront les bénédictions. Atomique, démon One sur les chemins de la rédemption. Sur les chemins de la rédemption. Ça fait. Ma destinée par de travers, je suis à la croisée des chemins. Des larmes j'en ai bu des verres, vu que j'ai fait du mal aux miens. Ça me fait de la peine de les faire souffrir. Je demande pardon à mes proches, visant des rois avant de mourir. À cause du manque de sous en poche, quand tes fins de mois sont précaires, t'apprends à grailler les restes. Passe ton quotidien sur les nerfs, sous la pluie et froid du nord-est. Mes regrets sont éternels, je n'ai pas pu enterrer Nono. Ne me dites pas que la vie est belle, j'ai vu partir ceux que j'aime trop tôt. Pour soigner ce mal de vivre, j'ai fait des choses à ne pas faire. Des reproches, des retards, quelques enculeries à des frères. À part le son, j'ai peu d'options. L'un des parfaits, faut l'avouer. Sur la route de la rédemption, je sais que j'ai tant de choses à prouver. Y'a que la musique qui m'apaise, le charme des vers me canalise. Quoi de plus beau que la langue française pour faire ma psychanalyse. J'ai perdu foi depuis longtemps, sur terre je suis qu'un mécréant. Le nirvana me semble très loin, je m'y perds dans son océan. Imparfait, on le sait, mais bonnes sont les intentions. On a trop vécu dans l'excès, c'est maintenant le temps de la réflexion. Et peu importe dans combien de temps viendront les bénédictions. Atomique, démon One sur les chemins de la rédemption. Imparfait, on le sait, mais bonnes sont les intentions. On a trop vécu dans l'excès, c'est maintenant le temps de la réflexion. Et peu importe dans combien de temps viendront les bénédictions. Atomique, démon One sur les chemins de la rédemption. Imparfait, on le sait, mais bonnes sont les intentions. On a trop vécu dans l'excès, c'est maintenant le temps de la réflexion. Et peu importe dans combien de temps viendront les bénédictions. Atomique, démon One sur les chemins de la rédemption. Imparfait, on le sait, mais bonnes sont les intentions. On a trop vécu dans l'excès, c'est maintenant le temps de la réflexion. Et peu importe dans combien de temps viendront les bénédictions. Atomique, démon One sur les chemins de la rédemption.